So we heard, we are now getting into the mood in spring, you know, it's a beautiful day today, tomorrow apparently the same thing, a little bit colder, but still sunny. The wind is blowing, but that's only good for all of the plants that have to disperse their seeds and so on. And we are trying to catch up with this in our program. So the first one was Nana Mouskouri, Voici le mois de mai. And then we had Zaz, J'aime Paris au mois de mai, with Charles Aznavour. And she Zaz is actually fairly, well, she's coming, one of the coming stars. She is a star. She is, oh, yeah. Is a star. Mm-hmm. And she is 36 or something like this, but her production is very prolific. And then we heard Nana Mouskouri again, and Soleil, Soleil, Sun, Sun. So this is to get you in the mood, and we'll have more about spring and sun and whatever belongs to spring. Well, sometimes we may edge over into summer, and I have a couple that are still in April, but I mean, this is all about the same time of the year. Mm-hmm. What do we, you have a dedication. Yes, I have a dedication of someone who wanted a song, actually very urgently and very definitively. So it's actually a song that we have played very recently, but it's Barbara by Yves Montand. Here we go. And who is that for? And that is for Barbara. Here we go. That is for a Barbara, yes. All right, here we go. Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là, et tu marchais souriante, épanouie, ravie, ruisselante sous la pluie. Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest, et je t'ai croisé rue de Siam. Tu souriais et moi je souriais de même. Rappelle-toi, Barbara, toi que je ne connaissais pas, toi qui ne me connaissais pas. Rappelle-toi, rappelle-toi quand même ce jour-là, n'oublie pas. Un homme sous un porche s'abritait et il a crié ton nom, Barbara. Et tu as couru vers lui sous la pluie, ruisselante, ravie, épanouie. Et tu t'es jeté dans ses bras, rappelle-toi cela, Barbara. Et ne m'en veux pas si je te tutoie, je dis tu as tout ce que j'aime, même si je ne les ai vus qu'une seule fois. Je dis tu as tout ce qui s'aime, même si je ne les connais pas. Rappelle-toi, Barbara, n'oublie pas cette pluie sur la mer, sur ton visage heureux, sur cette ville heureuse, cette pluie sur la mer, sur l'arsenal, sur le bateau d'Ouessant. Oh, Barbara, quelle connerie la guerre, qu'es-tu devenue maintenant sous cette pluie de fer, de feu, d'acier, de sang? Et celui qui te serrait dans ses bras amoureusement, est-il mort, disparu ou bien encore vivant? Oh Barbara, il pleut sans cesse sur Brest, mais ce n'est plus pareil et tout est abîmé. C'est une pluie de deuil terrible et désolée. Ce n'est même plus l'orage de fer, d'acier, de sang.

rancune sous la lune. On applaudit les somnambules, pas trop fort, juste un réconfort pour leurs efforts. Dans la nuit, juste un bruit, celui de leur part de gouttière qui s'efface. The first one was Barbara, and that was a special request by another Barbara, although it's a kind of a little bit sad song, but still it repeats Barbara very often. And this Barbara, apparently she has her birthday today. That's what she requested it for. So we're happy to oblige. The next one was by Edith Piaf, Sous le ciel de Paris, and Under Paris's Sky. And basically what she sings about all those things that happen mm-hmm. on along the Seine and elsewhere. But basically she says that if the clouds, if the weather gets mad at Paris, then they give a thunderclap. Mm. But Paris doesn't remain mad at anyone very long. So then there will be a beautiful rainbow and good weather. That's kind of like what we expect in the spring. And then we had Paris Combo, Sous la Lune. So if we have Under the Sun, well, let's also have something at night. Sous la Lune, it's also in a nice spring night. You can see the moon, and it's very romantic. And you may have wondered about the sounds that strange came out, the trumpet sounds at the end. And that's actually their trumpet player who plays his trumpet underwater. I mean, he is not underwater, but the trumpet is underwater. And that's why he had this gurgling sound. Very interesting. Great. Oui, on l'a vu ici. Il était à Cedar. Oh, at the Cedar Cultural mm-hmm. Center? Avec right. Tout le groupe. Oh, that would be great to see. We have some announcements, and we'll be right back with the music. KFAI is a proud sponsor of Artaworld, Friday, May 20th through Sunday, May 22nd. Artaworld is the largest open studio tour in the country with over 500 artists showing and selling their wares at over 50 locations throughout Northeast Minneapolis. KFAI's Vinyl Voices will be spinning records Friday and Saturday in the Northrop King Building. Information is available at nemaa.org. IP House is proud to provide internet streaming of KFAI Community Radio. The internet professionals at IP House provide answers to your hosting and access questions. More information from these friendly geeks is available at iphouse.com. Programming on KFAI is supported in part by the Medtronic Foundation. Their commitment to a healthy Twin Cities continues by supporting the American Heart Association's 2016 Twin Cities Heart Walk. The event takes place Saturday, May 14th at Target Field and includes health screenings, CPR training, a kids zone, and more. Information about the Heart Walk is available online at ampershealth.org. Alors, est-ce que vous deux, est-ce que vous savez que c'est la fête des mères qui va venir dimanche prochain? C'est la fête des mères. Et c'est pour cela, au moins ici aux États-Unis, je ne sais pas si c'est une date différente en France, mais voilà cette chanson par Charles Aznavour qui s'appelle La Mamma. Et c'est l'histoire d'une famille italienne et la mamma est en train de mourir et toute la famille qui adore la mamma vient la voir pour la dernière fois. Ça va être suivi par quelque chose de beaucoup plus moderne, M. Qui c'est M? Il est Mathieu Chédid. Il préfère employer seulement son initial, le nom Mathieu, au lieu d'avoir le nom de son père très célèbre, Louis Chédid. Il va vous chanter « Je dis M ». Et ça va être suivi par encore une chanson par M. Bahia, c'est bien, joli ça, j'aime bien. They all came from all over the country. As soon as they heard that La Mama, the most important person of the family, is dying, they all came. Even Giorgio, the banished son, with gifts in his arms. The children are playing around the bed, and as the weather is very, very hot, the men are drinking the wine of the vineyard. There is even someone playing a guitar as the women are singing an Ave Maria. She's dying, La Mama, and there is love and tears and smiles around her. For she will never, never, never be forgotten, La Mama. Ils sont venus, ils sont tous là, et qu'ils ont entendu ce cri, elle va mourir, La Mama. Ils sont venus, ils sont tous là, même ceux du sud de l'Italie. Il y a même Giorgio, le fils maudit, avec des présents plein les bras. Tous les enfants jouent en silence, autour du lit sur le carreau. Mais leurs jeux n'ont pas d'importance, c'est un peu leur dernier cadeau. Ah, ah maman, ah maman. On la réchauffe de baisers, on lui remonte ses oreillers, elle va mourir, la mamma. Sainte Marie pleine de grâce, dont la statue est sur la place, bien sûr, on lui tendait les bras en lui chantant Ave Maria. Tant d'amour, de souvenirs autour de toi, la mamma, y a tant de larmes et de sourires à travers toi, toi la mamma. Et tous les hommes ont eu si chaud sur les chemins de grand soleil, elle va mourir là, maman. Qu'il boive frais le vin nouveau, le bon vin de la bonne traîne, tandis que s'entasse pêle-mêle sur les bancs, foulards et chapeaux. C'est drôle, on ne se sent pas triste, près du grand lit de l'affection. Y a même un oncle guitariste qui joue en faisant attention à la maman, à la maman. Et les femmes se souvenant des chansons tristes d'éveillées, elle va mourir là. Les yeux fermés, chante comme on berce un enfant après une bonne journée pour qu'il sourie en s'endormant. Ave Maria, y a tant d'amour, tant de souvenirs tout autour de toi, la maman. Et le sourire à travers toi, voilà ma maman. Jamais, jamais, jamais tu ne nous quitteras. Community Radio Monday, May 9th, as we welcome Amy Goodman of Democracy Now! To the Twin Cities. This is your opportunity to hear stories of progressive heroes highlighted in Ms. Goodman's latest book, Democracy Now! 20 Years Covering the Movements Changing America. Ms. Goodman will speak at 7 p.m. Monday, May 9th at the Parkway Theater. A limited number of tickets will be available for a private reception before the public event that include a copy of her new book and a signing. Tickets are available through Eventbrite and at the Parkway Theater box office. Find the link and information at kfai.org. KFAI and Metro PCS is sponsoring Cinco de Mayo in West St. Paul, Saturday, May 7th from 9 until 6 p.m. with parade, food, and fun festival throughout the day. Parade starts at 10 a.m. and then continuing on that day at Salsa Alegres with Willie Dominguez at the KFAI stage, starting out at 1:30 until 3 p.m. For further information, contact CincoDeMayoSt.Paul.com. Tantôt mobile, tantôt tranquille, je moissonne sans bousculade. Je dis M et je le sème sur ma planète. Je dis M comme un emblème, la haine je la jette. Je dis hey, hey, hey. Du sphinx dans mon rimeur, Paris au fil du cœur. La scène, je dis M et je le sème sur ma planète. Je dis M comme un enfant. d'avant, je dirais. Mais pour le dehors, le dedans, pour l'après, pour l'avant. Bye. city. Well, wow. So we heard one song that was dedicated to Mother's Day, and this was Charles Aznavour, who was singing La Maman. Mm-hmm. No translation needed. There was a preamble to it, a kind of spoken introduction, and then the song. The song actually is fairly sad. I mean, it's the maman who is the head of the family who is ready to pass away, and everyone is around, and then they realize what a good person she has been and how important she was. So it's, well, it's triste, but at least we are commemorating the Mother's Day. Fête des Mères. Fête des Mères, and the question was, is it the same in France? I can't say, but in Europe and in Germany, it is the same date as today. Oh, okay. So then it's highly probable that it also will be Dimanche. Dimanche. Mm-hmm. Sometimes it's like a week off. In France. Mm-hmm. Actually. Mm-hmm. So, and then we heard some more modern songs by M. Je dis aimer. Je dis aime. So he gives, actually, it's order. I tell you, love. And the other one is Baya. He is the son of Shadid, but only goes under his first initial, M. So Baya was a song also about love. And not totally clear if it's Baya in Brazil, or he's super festive. He likes plays on words, mm-hmm. too, because this means bay, and also it means dance in Spanish. Mm. Bahia. We were talking about how it sounded so much like Gypsy Kings. Right. And, mm-hmm. and that's just how great quite similar, yes. Well, so then now you've had two very recent songs, and we will go on. Yeah, let's take a little detour. I wanted to play Edith Piaf's song L'homme à la moto, because it's time for everybody to ride their motorcycles out, and this is a nice classic. Here we go. La région. Jamais il ne se coiffait, jamais il ne se lavait, les ongles pleins de cambouis, mais sur le biceps il avait un tatouage avec un cœur bleu sur la problème, et juste à l'intérieur on lisait Maman je t'aime. Il avait une petite amie du nom de Marie-Lou, on la prenait en pitié, une enfant de son âge, car tout le monde savait bien qu'il aimait entre tout sa chienne de moto bien davantage. Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sa moto qui partait comme un boulet de canon semait la terreur dans toute la région. Marie-Lou, la pauvre fille, elle implora, le supplia, dis ne pars pas ce soir, je vais pleurer si tu t'en vas. Mais les mots furent perdus, ses larmes pareillement, dans le bruit de la machine et du tuyau d'échappement. Il bondit comme un diable avec des flammes dans les yeux, au passage à niveau, ce fut comme un éclair de feu contre une locomotive qui filait vers le midi. Et quand on débarrassa les débris, de moto, son blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos, mais plus rien de la moto et plus rien de ce démon qui semait la terreur dans toute la région. Enjoy a slice of Indian music in the Twin Cities. My name is Mukhtar Thakur, one of the hosts of KFAI program Sangam, here to invite you to Geetmala Sabrang. A takes place at 5 p.m. on Saturday, May 21st at Concordia University in St. Paul. Join us for a celebration of South Asian music and culture with the flavor of Bollywood. Find out more at kfai.org. Programming on KFAI is supported by Clearway Minnesota, advising that flavored tobacco is still a problem for Minnesota's youth. A recent survey shows that more than a third of Minnesota students have tried flavored cigars. More at stillaproblem.com. Oui, d'accord. On va écouter maintenant Petite fleur par Annie Gould, et c'est pas la même que celui qu'on connaît par le clarinettiste, non? Non, peut-être parce qu'il y a une autre petite fleur. Non, la petite fleur, c'est la pièce en trompette de c'est la petite fleur. Petite fleur, c'est le c'est muguet, les muguets, non. Non, ça c'est la pièce de Sidney Bechet. Ah oui, exactement. Oui, c'est ça. Sidney Bechet. Oui. Mais j'ai jamais entendu quelqu'un qui le chantait, formidable. On y va. Alors ça va être suivi par Mouloudji, comme un petit coquelicot. Tout demain, je garderai au cœur celle qui s'allumait dans tes yeux lorsque je t'aimais. Petite fleur d'amour, tu fleuriras toujours pour moi. Si les fleurs un matin se fanent sur les mains du palais, je garderai, je garderai la petite fleur d'autrefois qui brillait. Tu fleuriras toujours au grand jardin d'amour. Le myosotis et puis la rose, ce sont des fleurs qui disent quelque chose. Mais pour aimer les coquelicots et n'aimer que ça, faut être idiot. T'as peut-être raison, oui mais voilà, quand je t'aurai dit, tu comprendras. La première fois que je l'ai vue,

sachez qu'il est question, mes amis, que l'on reçoive à l'académie. En attendant, si vous avez de la voix, chantez tous avec moi. Jolie fleur de papa, jolie fleur de papillon, comme la boîte dans le papa, dans le pavillon. Jolie fleur de papa, jolie fleur de papillon, avec un petit papa, pour le cotillon. Ne résistez pas, papa, entrez dans le tourbillon. Comme ma fleur de papa, fleur de papillon. Wow, what was that? C'était quoi, cette chanson? Well, it's top of the hour. We better move here and give the station identification. Well, you're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM, Minneapolis, 106.7 FM, St. Paul, Radio Without Boundaries. The program we present is Bonjour Minnesota. Vous êtes à l'écoute de Bonjour Minnesota sur KFAI. C'est à 90.3 FM, Minneapolis, et 106.7 FM, St. Paul, Radio Sans Frontières. All right. What was the music we just heard? Okay, the music we heard was one. The first one of the three was Edith Piaf in L'Homme à la Moto. And actually, this is a song that was created here in America. It was called Black Leather with an eagle on the back. Black leather jacket. Huh? And the black, yeah. So anyway, so she sings about this guy who is just tooling around on his moto. He has a friend, Marie-Lou, who sits in the back and is terrified, but he just goes on and on. Mm-hmm. And well, and it's always, it comes back, the refrain comes back, the leather jacket with the eagle on its back. And then the sad end, of course, is somehow or other, luckily, Marie-Lou was not with him then, but he just runs into something, either the train or something, and all he can find is the jacket with the black, with the eagle on the back. And his motorcycle's gone, and he's everything, gone. Everything is pulverized. So, I love that song. So the next two songs were much more and quiet, and the next few songs have to do with spring. Well, in a derived sense, it's because we're looking at flowers, and the first one was Annie Gould in Petite Fleur, and Petite Fleur, well, she sings about the little flower, but you could hear the a hint of Sidney Bechet's instrumental, Petite Fleur, which is much better known. And so anyway, but this is the Petite Fleur. And then the next one had to do with Moujoudi in Comme un petit coquelicot. And this was, this had to do with, well, it's a very complicated story about finding a lady sleeping in the cornfield, I mean the corn, the blé, I mean the wheat field, and she looks like she has the coquelicot, the red poppy on her, and it's somewhat murky to know what really happened there, but it's a very nice song. So she dies how at the end. I mean we're getting here into songs. Everything we have too many sad songs. And casualties. But anyway, he sings very ardently about her. Then Annie Cordy in Fleur de Papillon, and that's more or less a song that at least is upbeat and funny. She has plays on the words, and fleur de papillon, of course, means the flower, the butterfly flower, And basically the play of words is she sings about fleur de papillon, fleur de papa, fleur de papa, fleur de papa, and until she finally gets to fleur de papillon. And so it's a very, at least this is a somewhat more happy and funny little song. Well, what do we have up next? Alors, peut-être le Avril. Avril est une harpiste qui nous a chanté ici sur le programme. Elle est de la Normandie, elle a une très belle voix. Elle a composé cette chanson pour sa fille et la chanson s'appelle La Délicieuse. Ça va être suivi par Céline Dion, S'il suffisait d'aimer. Mon petit bonheur, ma gracieuse, ma généreuse, ma toute petite fleur, ma précieuse, ma délicieuse, ma gracieuse, ma généreuse, ma promise, mon exquise, mon eau de jouvence, ma divine, ma mutine, ma belle insouciance. Promise, mon exquise, ma divine, ma mutine, ma hélice, la merveilleuse, ma hélice, l'impérieuse, ma hélice, la malicieuse, tu fais de moi ce que tu veux. Oui, ce que tu veux. Ma précieuse, ma délicieuse, mon petit bonheur. Ma gracieuse, ma généreuse, ma toute petite fleur. Ma précieuse, ma délicieuse, ma gracieuse, ma généreuse. Ma promise, mon exquise, ma divine, ma mutine, ma petite fille. Je rêve son visage, je décline son corps. Je l'imagine habitant mon décor. J'aurais tant à lui dire si j'avais su parler. Comment lui faire lire au fond de mes pensées. Mais comment font ces autres à qui tout réussit. Qu'on me dise mes fautes, mes chimères aussi. Moi j'offrirai mon âme, mon cœur et tout mon temps. Mais j'ai beau tout donner, tout n'est pas suffisant. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on changeait les choses un peu, rien qu'en aimant donner. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, je ferais de ce monde un rêve, une éternité. J'ai du sang dans mes songes, un pétale séché. Quand des larmes me rongent, que d'autres ont versé. La vie n'est pas étanche, mon lit est sous le vent. Les portes, les centres et les cris, même en fermant. Dans un jardin d'enfants, sur un balcon des fleurs, ma vie silence, présage des malheurs, que les armes répandent au pays de nos peurs. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on changeait les choses un peu, rien qu'en aimant donner. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, je ferais de ce monde un rêve, une éternité. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on pouvait changer les choses et tout recommencer. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, nous ferions de ce rêve un monde. S'il suffisait d'aimer. So in the spirit of being in spring, I mean, we have now, the song is not about spring, but the title, the singer's name is Avril, and she sings about La Délicieuse, and it's a poem made for her little girl, and it's very touching in that she sings about how this little girl, I mean, how she behaves and how she, as a mother, is watching over her, and that this little girl is delicious and precious. And so obviously it's the thoughts of a doting mother on her little girl. And the other one was Céline Dion in S'il suffisait d'aimer. If it only was enough to love. Mm-hmm. And she sings about all those things that can be, that need to be changed, that if it were enough to love, then many of the situations could be turned into something very positive in the world. But we don't know if this love is permeating everywhere. Huh. Oh, that was beautiful. Do we have some announcements? Oh, we certainly do. Big news from the Alliance Française. They've been in a fundraising mode for quite a bit now to make improvements on the Alliance Française building, which is one of the old buildings in the warehouse district. And they have done great things this year. Their membership has doubled. Their enrollment in classes has increased by 38%, and more than 4,000 people have attended over 150 events hosted by the nonprofit organization of the Alliance. So they've made big growth, but they still need to raise more money. They're starting a capital campaign initiative, Vive l'Alliance, and they have raised $750,000. That's how much they have now. Wow, that's fantastic. Isn't that amazing? Yeah. But they need $2.5 million for the repairs and the plans they have. So this is a great time for those of you who are members or who are interested in joining to make a big impact on the Alliance Française in their growth period. And I've noted, I've been a lifelong, practically, member of the Alliance ever since I was in college. And this Alliance is particularly active and great. Mm. It's made fantastic with Christina and her team, especially. I think they've made wonderful growth. And so with that, I announce their big fundraiser, which is coming up next Wednesday, May 11th. Orient Express, the Orient Express, and it's going to be their theme. It will take place at the depot in Minneapolis. There will be a special guest consul general from France, Vincent Floriani, and you can reserve your tickets online. Now, they will have all kinds of things, a wonderful meal. There will be Marilyn Carlson Nelson will be presented the Alliance Française Award of Excellence, just recently in the news, because the hotels now have been sold for the Carlson chain, the Radisson and so on. Also, there will be Cindy Brucato, the announcer and former TV person, will be there to, well, she'll be kind of the MC, I think. Also, musicians will include Dan Chouinard and Brian Barnes will be there. There will be a vente aux enchères, an auction, a silent auction, so with much fun. Great prizes. You were there last year as MC, weren't you? Oh, yeah. It was amazing how exciting the live auction can become. And they had those it was trip a live to Paris. Okay. Yeah, and they were bidding on Nicolas Giraud for a trip to Napa Valley a weekend. He's a wine sommelier. A sommelier from where is it? Le Méritage. Méritage, St. Paul, the lovely restaurant there. Yep. So there's always great items in that auction. So great opportunity and a good evening of entertainment. There is a price, definitely, but half of your price is tax deductible. So that is coming up next Wednesday from 6 to 10 at the depot. Contact the Alliance or go online and order your ticket. Speaking of Dan Chouinard, he announced that he is he's extremely active, just an amazing performer around town. Dan Chouinard is. He's announcing the Urban Farmers Almanac, a live performance made for radio. It's a variety show, and it will be at the Ritz Theater. That's 345 13th Avenue Northeast, Thursday, May 12th at 7:30, Saturday, May 14th at 7:30, and Sunday, May 15th at 2 p.m. Plus, there will be a whole cast of wonderful musicians, including Jordan Sramak and the members of the Rose Ensemble. Oh, the Rose Ensemble, yes. And they just had a nice presentation for the, I think, 35 years or something like this. Oh, really? Yeah, they're very, they're quite successful and quite interesting. What is the date on that? That is Friday, Saturday, and Sunday. Yes, Friday and Saturday are 7:30. Oh no, wait, it isn't. It's not. It's not Friday at all. It's Thursday, Saturday, and Sunday. Thursday and Saturday, the 12th and the 14th, the shows are at 7:30, and Sunday is the matinee, May 15th at 2 p.m. And this will be at the Ritz Theater, 345 13th Avenue Northeast. So have you ever been to the Ritz? I mean, yeah, it's a great theater. I performed there in in the past. My great grandmother used to go see silent movies. Oh, there. Wow. Well, I hope all our listeners saw Dana featured in an interview last Sunday paper. Mm. I know you don't want me to announce it, but she had a very interesting article on suicide prevention across the High Bridge. Oh. And Dana was who often is in that area and running. Right. So has been the spearhead of a campaign. Mm-hmm. To get MnDOT and the state of Minnesota to put markers on the highway for suicide awareness. Yes. And just put some preventative measures like the Eiffel Tower and the Empire State Building. They have some cages that are make it more difficult to like jump over the edge. Mm-hmm. So, yeah. On On another note, Sunday, May 8th, we have a special announcement by the Music Offering. Have you heard of this before? Well, the Music Offering, yes. So, they're in Sundin Hall on the campus of Hamlin. Yes. So they're celebrating women composers on Mother's Day, and it's going to be music by two wonderful French women composers. Germaine Taillefer's light and breezy Sonata Champêtre draws on melodies from one of her own comic operas, and Louise Ferrand's virtuosic and rich trio with violin, cello, and piano goes right to the heart of 19th century romanticism. So it's going to be a great concert, and then it's also going to feature two painters, Louise Gillis and Lois Romberg, whose studio in Northeast Minneapolis. Both painters have created large-scale works for display on stage during the performance, and Louise Gillis took her inspiration from Seurat. It's a Sunday afternoon at the island of Grand Jatte. Yeah. It's at the Chicago Art Institute. It's so beautiful. Amazing. It's huge. Just stand there and look at those dots. It's bigger than the large wall in here. Oh, so. You've seen it, Dana. Yeah, I love it. Yeah, when I had my 40th birthday party, I took my kids to Chicago on the Amtrak and got a room at the Hilton Palmer and jumped on the bed and had a pillow fight. And then we went to the Institute of Art, and then we went to go see the T-Rex, Sue, at the... Oh, at the... Field Museum, yeah, yes. Yeah, the Field Museum. That was the best birthday I could ever have. Stare at some art, go see a dinosaur, have a pillow fight. Anyway, what Grand a party! Jatte. Yeah, that's a party. Well, Nancy, so Alliance is looking for Bastille Day committee members for this coming up Bastille Day, Sunday, July 10th. It will be held. Oh. And if you'd like to have a hand in that, that's a great way to meet people and have a good time. It's too. So much fun. Called the Alliance. The first meeting is going to be taking place. Oh, it did take place. Mm. But if you are interested, contact Maggie with your interest. And there's more announcements. Do you want to play a song in between? Sure. Let's go ahead. What's the next song that you have for us, Olaf? All right. So they after having heard Annie Cordy, we will have Nico. And this is, again, along the theme of flowers, Fleur d'amour. And Barbara in Le Temps du Lilas. Right after these Right after these announcements. Join KFAI Community Radio Monday, May 9th, as we welcome Amy Goodman of Democracy Now! To the Twin Cities. This is your opportunity to hear stories of progressive heroes highlighted in Ms. Goodman's latest book, Democracy Now! 20 Years Covering the Movements Changing America. Ms. Goodman will speak at 7 p.m. Monday, May 9th at the Parkway Theater. A limited number of tickets will be available for a private reception before the public event that include a copy of her new book and a signing. Tickets are available through Eventbrite and at the Parkway Theater box office. Find the link and information at KFAI.org. Support for KFAI comes from The Electric Fetus, your local record store for over 48 years. Now paying cash for used records in excellent condition. The Electric Fetus, 4th Avenue South at Franklin or at efetus.com. Marguerite, églantine et ma tulipe, je jonquillerai ton crocus et t'offrirai mon coquelicot. Mais si Dahlia, ton encolie, anémone notre iris et capucine mon narcisse, je campanule notre hibiscus. Si je lis là dans tes pensées, tu me joues la giroflée et tu me lisses dans la cante au moment le plus artichaut. Et tu me lisses dans la cante au moment le plus artichaut.

check it out, call the Alliance and find out if you're a student, or you, if you're a high school student listening, how you would do this. Let's see. This weekend. What's happening? Oh, this weekend, the Festival des Nations. It is crazy. It's a wonderful thing that goes on with all kinds of nationalities. It's at the St. Paul River Center, May 5th through the 8th. There are people selling foods from every country. There are dancing going on. There are all kinds of wonderful programs. And I think they're stressing this year is the focus on folklore and fairy tales. Ooh. From many cultures. So don't miss that. You can get a world pass. It is, of course, a paying. It's not too hard a bite for students and children. I love the traditional costumes. Oh, I know, especially like the Hmong and their beautiful costumes. Oh, yeah. National wear. Also, let's see, May 6th at 6 p.m. in the world stage of the Roy Wilkins Auditorium, visiting Taiwanese circus performers, Formosa Circus Arts. That's one of the highlights. That's going to be at 6 p.m. at Roy Wilkins Auditorium on Friday, May 6th. There will be workshops at the Guthrie. All kinds of workshops. Oh, it doesn't give a schedule here exactly. I think you'd have to check this out. Ethnic foods, there's going to be things like Palestinian food, falafel, to Colombian tamales, to Tibetan momos, and Norwegian lefse, Lebanese tabbouleh, and Nigerian moi moi, or moi moi. Interesting. And demonstrations. So that's going to be a great weekend for that. And the French-Canadian Society is announcing a day trip to Henderson, Minnesota June 18th. It's Saturday, June 18th this year. Where is that? Why is it so familiar? Know. It's on Minnesota 19. Uh-huh. And you get there practically by taking 169 beyond Belle Plaine, and then you cross the river. Yes. And then it's right on the other side of the river. And so apparently it has... Oh, that's towards New Prague. Okay. Yeah, way down south. Well, it's not that way down. Oh, I mean, no, but Mankato's... Yeah, outside of the... Yeah, that's way down south. They will take you to the Sibley County Historical Society Museum, 700 Main Street in Henderson. And this bus is quite reasonable. So if you're not a driver, you can go for transportation, lunch, and a program on Dr. H.J. Seigneuret, a 19th century French name. I don't know anything about Dr. Seigneuret. And the entrance fee for the museum, all taxes and tips. Otherwise, well, he was a... Oh, you know about that. Well, no, not very much, but I mean, there was a French community and a French-Canadian community that he took care of. And he also took care of Native Americans who were in this area and tried to raise their health standards. About that. So... they have a website. You can reserve on the website and PayPal if you wish. And how can you contact them? Huh. What is the date on that? That is June 18th of this year, Saturday. An exciting tour. Oh, this came from Mark Levine of the French American Heritage Foundation. So if you want to get their email site, it's frenchheritagefoundation@gmail.com. Oh, okay. All one word. frenchheritagefoundation@gmail.com. They are very active, and they had sessions with trying to look up your ancestors, your French, French Canadian ancestors, and so on. So they have been very active, and this looks like it's very fun. It's going to be a very fun excursion. On June 17th, the Skyway Theater will be presenting the Caravan Palace, and that's at 9 p.m. It's a seven-piece Parisian electronic big band. It's going to be great. It's going to be touring the U.S. Yeah, I think it'll be really good. They've just put out their third album. So, members of the Alliance, contact Anna at the Alliance to purchase tickets and also to get a discount. Mm. And just a couple more. Let's see what we have. First Annual International Children's Festival, Sunday, May 15th, from 2 to 5. Families are invited to Kauffman Union at the University of Minnesota for the first International Children's Festival from 2 to 3 p.m. You can visit country exhibits and pick up goodies at the bake sale. From 3 to 5, enjoy performances of live music and dance. First Step Initiative Fundraiser, Tuesday, May 10th. First Step Initiative is going to give a presentation and close-up view on their work helping women in the DR Congo. Minneapolis Women's Club. I would contact the Alliance if that is your interest. Okay, and that's about it for announcements here. Let's get back to some music. Right after these two KFAI announcements, quickly. KFAI is supported in part by Southside Pride Monthly Newspaper. Locally owned and operated in South Minneapolis, Southside Pride celebrates the racial and cultural diversity of the Southside and serves the Phillips, Hiawatha, Seward, and the Cedar Riverside neighborhoods. Information is available at southsidepride.com. Hey, you. Yeah, I'm talking to you. What are you passionate about? Kung fu fighting or karate? Flying or fly fishing? Ancient Asian artifacts? Indiana? Whatever it is, share your passion with the community on KFAI's The Wave Project. The Wave Project is KFAI's weekly one-hour open-access radio show available to anyone in the community. You provide the idea and the content. We provide the engineer. Together we share your passion with the community. Find out more at kfai.org/waveproject. C'est le printemps, aujourd'hui j'ai rien à faire. Quelle aubaine turlutaine, je marche le nez en l'air. Je suis content, c'est le printemps, les arbres sont en couleur. Dans les nids, les petits s'écosillent tout son cœur. Le matin ne rime plus avec chagrin. À midi, je n'aurai pas plus de soucis. À quatre heures, ça rime avec tartine au beurre. Et le soir, ça rime toujours avec espoir. Je suis content, c'est le printemps qui vient juste après l'hiver. Le voilà, youpla là, c'est joli pis c'est pas cher. Je suis content, c'est printemps, c'est pour moi qu'elle butine. Les abeilles dans le soleil me préparent mes tartines. Le matin ne rime plus avec chagrin. À midi je n'aurai pas plus de soucis. À quatre heures ça rime avec tartine au beurre. Et le soir ça rime toujours avec espoir. Je suis content, c'est printemps, je compte les rossignols. Je suis gâté, c'est congé. Je n'irai pas à l'école, je suis content, c'est le printemps. Pousse les petits bourgeons dans les prés, sur mon nez, pousse les petits boutons. Le matin, ne rime plus avec chagrin. À midi, je n'aurai pas plus de soucis. À quatre heures, ça rime avec tartine au beurre. Et le soir, ça rime toujours avec espoir. Je suis content, dans les temps, y a le nouveau des grenouilles. Elles s'enlacent, elles s'embrassent, y en a même qui se tripatouillent. Je suis content. C'est le printemps, j'aurai bientôt une petite sœur. C'est maman, en chantant, qui me l'a dit tout à l'heure. Le matin, ne rime plus avec chagrin. À midi, je n'aurai pas plus de soucis. jardine toujours avec espoir. Je suis content, c'est le printemps. Faisait froid ce mois, me semble-t-il. Tu avais mis ton beau complet habile. Il y avait toi, moi et le mois d'avril. J'avais noté sur mon carnet utile. Le bonheur était au complet. Une cigarette au matin, nos cafés doux sur le chevet, le reflet de tes yeux châtains. On a peu parlé ce jour, il me semble. Pas de quoi romantisait-on ensemble. Que l'on notait d'ailleurs très vite ensemble. Pour recouvrir nos corps qui se tremblent. Le bonheur était au complet. Pas d'avenir, pas de passé. Pas légal, pas illégalé. Inégal et inégalé. Te souviens-tu cette lumière étrange, la nature recouverte par un ange, et le silence que peu à peu dérange, nos souffles de plaisir qui s'échangent. Le bonheur était au complet, un ange qui passe et c'est parfait, juste nous deux et nos secrets, juste nous deux à l'imparfait. Ton cœur avait une fière allure. Le mien pressé battait à toute allure. Et le vent fou tapait la mesure. Pour rythmer nos premières aventures. Le bonheur était au complet. Et nos voeux se croyaient malins. De rire au nez du chevet. De notre histoire sans lendemain. Au mois d'octobre, me souvenir fébrile du mois d'avril, dans la nature et ses couleurs sobres, rire du temps d'avant, du quand n'est-il, le bonheur sera incomplet, j'irai mourir sur le chevet de notre amour inachevé, et je pourrai tout oublier, le bonheur sera incomplet. Alors j'irai tout oublier de notre amour inachevé, pendu au-dessus du chevet. Two, three. Let's go. Voici enfin venir l'été que j'ai langui. Au moins les trois quarts de l'année, tous les lundis. Voici venir enfin mon droit de rester au lit. Je ne m'occupais que de toi, de tes envies. Oh, un bras de soleil sur ta peau, un peu de sucre sur ton dos, pour éveiller mon appétit et raviver ma libido. J'avoue, c'était endormi, que j'avais laissé au boulot. Oh, faudra-t-il que toute la vie, à mon réveil, tu sois parti. Voici enfin venir l'été, que j'ai langui. Au moins les trois quarts de l'année, tous les lundis. Voici venir enfin mon droit, de voir mes amis. Je me saouler la gueule avec toi jusqu'à midi. Oh, pour le café il est trop tôt, mais donc du pastis dans mon eau. L'été t'a rendu si joli, l'alcool m'a rendu si idiot. Toi tu t'es foutu dans son lit, moi je l'ai baisé dans ton dos. Oh, faudra-t-il que toute la vie tape le premier qui sourit. Voici déjà finir l'été, il est parti. Le cauchemar va recommencer toute la vie. Ils sont passés où tes nénés, ils sont passés où mes amis. Le sucre caramélisé et tes envies. Oh, 5 semaines de vie à l'année. Et tu veux pas que je sois déprimé. Voici enfin venir l'été, les thérapies, antidépresseurs opiacés, tous les midis. Je vais pouvoir aller bosser comme un zombie. Et en plus ils m'ont augmenté, c'est le paradis. Oh, à quoi ça sert d'être bien payé, si la vie vous passe à côté. Tum bon coin, quand tout pas tout. Alors je vous raconte pas qu'on est mal payé. The Internet Geeks at IP House are proud supporters of KFAI Community Radio. IP House provides internet hosting and access for your community, large or small. More information is available at iphouse.com. Programming is supported by AMPERS and the Minnesota Arts and Cultural Heritage Fund, providing programming for music lovers at AMPERS.org. AMPERS features hundreds of performances by Minnesota jazz, rock, Americana, and classical acts. Information and audio at AMPERS.org. AMPERS, diverse radio for Minnesota's communities. So we are winding down on the theme of Le Printemps, spring, and the song was by Henri Dess. It's called C'est le Printemps. Actually, it's a song more or less of school children, and basically the great thing they have in mind is that they'll be out of school, that they can run around in the spring, in the nice spring weather. Mm-hmm. Now they can go out and play rather than be stuck at home during the winter. The next one is les orges des Barabac, les ogres de Barabac, Avril et toi. So they sing about, well, how things are going with them, and he predicts what he's going to do after April. But anyway, it's a very animated song. And then Soufris Maracas combines both North African and French and and French music in his song L'été, in which he simply thinks that how he's going to begin a new life after the summer comes, etc. So this is now getting us into the summer, into l'été. C'est un peu l'été ici au studio, n'est-ce pas? Oui, c'est. Il fait chaud. Si vous entendez un bruit dans notre public, c'est parce qu'on a un ventilateur qui marche ici. Il fait très chaud. Et les portes sont ouvertes. Ah, qu'est-ce qu'on va écouter maintenant? C'est quoi la prochaine chanson? C'est... Vincent de Lerme? Vincent de Lerme, oui. Avec... Ah bon, Bruit. Vincent Delerme va vous chanter Bruit des nuits d'été. Et ça va être suivi par Juliette Gréco, qui est toujours vivante et toujours. Elle donne toujours des concerts. Mm-hmm. Elle va vous chanter Je suis un soir d'été. On y va. Les odeurs naissance, le bruit des nuits d'été. Le dimanche soir, la résidence, ton enfance est passée. Tu as vu sur l'écran les amours, les amants, le garçon, l'escalier. 15 ans, les yeux fermés, et tu m'embrasses à présent. Fais tes vêtements, les choses de la vie d'avant ont disparu dans le vent. Tu as pris cet appartement, tu lisais dans le soir une cigarette et un roman. Tu as éteint très tard, tu as connu les gens et tu dansais souvent. Tu as parlé la nuit à des visages enfuis et tu m'embrasses à présent et tu défais tes vêtements. Les choses de la vie d'avant ont disparu dans le vent. Fête la sous-préfète sous le lustre à facettes. Il pleut des orangeades et des champagnes tièdes et les propos glacés des femelles maussades de fonctionnariser. Je suis un soir d'été. Aux terrasses brouillées, quelques buveurs humides parlent de haridelles et de vieilles perfides. C'est l'heure où les bretelles soutiennent le présent des passants répandus et des alcoolisants. Je suis un soir d'été. De lourdes amoureuses aux odeurs de cuisine ramènent leurs poitrines sur les flancs de la Meuse. Il leur manque un soldat pour que l'été ripaille et monte vaille que vaille jusqu'en haut de leur bas. Je suis un soir d'été. Aux fontaines, les vieux, bardés de références, rebroussent leur enfance à petits pas pluvieux. Ils rient de toute une dent pour croquer le silence autour des filles qui dansent à la mort d'un printemps. Je suis un soir d'été. La chaleur se vertèbre et le fleuve des ivresses, l'été a ses grands messes et la nuit les célèbre. La vie aux quatre vents clignote le remords inutile et passant de n'être pas un porc. Je suis un soir d'été. What we heard, Bruit de nuit d'été by Vincent Delerme, meaning the sounds of a summer night. And basically, it's not really going out to nature, but he sings about the sounds in a city and the smell of gasoline and the creaking of brakes and cars moving along. But anyway, it's Nuit d'été. And Juliette Gréco, Je suis un soir d'été. I am a summer evening. And then she sings about what she wants to do and what she likes. And then she finds that she is really a summer evening. Mm. Oh, il est presque l'heure. Yes. Mm. Oh, une dernière chanson? Une dernière chanson, c'est laquelle? Ben, on va faire Paola. C'est la dernière dans cette liste. Si tu as été à Tahiti, si tu es da-da-da. Ah, et nous vous espérons une bonne semaine, bonne continuation avec cette jolie... Oui, bonsoir tous les... Bonsoir tout le monde. Tout le monde, et puis à la semaine prochaine. J'espère qu'on aura avoir quelques, certains gens intéressants pour des interviews. C'est dans ça. Notre... Et bonne fête des mères pour le moment. Bonne fête de mer, oui, et à bientôt. On y va. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Dis où t'as été cet été? Moi j'étais à Tahiti. Si t'as été à Tahiti. C'est qui tu y as été à pied? J'ai pris ma moto, je l'ai mis sur mon dos et je suis partie pour Tahiti. J'ai pris mon vélo, j'ai dit va faire chaud et je suis partie pour Tahiti. Si t'as été à Tahiti, t'as pas pu y aller à moto. Si t'as été à Tahiti, t'as pas pu y aller à vélo. J'ai pris mon dada, vas-y mon petit gars, et je suis partie pour Tahiti. J'ai pris mon boa, je l'ai mis sous mon bras, et je suis partie pour Tahiti. Si t'as été à Tahiti, t'as pas pu y aller à Dada. Si t'as été à Tahiti, t'as pas pu y aller à Boa. j'ai pris mon cerceau, j'ai mis mon chapeau et je suis partie.